Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu capable de faire de grandes choses. Il rend les choses impossibles possibles. Femme, tu pleures depuis longtemps à cause du problème de ta stérilité. Mais j'aimerais te dire que l'Éternel a déjà arrêté que tu vas enfanter et tu vas essuyer les larmes. Oui, et tu vas te réjouir. Réveille-toi. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a déjà touché. Il a déjà changé ta situation. Gloire au Seigneur. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche, Éphésiens 1, 11 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 1, 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous allons partager trois vérités importantes à partir de ce passage biblique. Voici la première vérité concernant notre identité. Nous sommes des héritiers de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu changes d'identité. Tu es héritier de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Lorsqu'on te regarde, tu as toujours une mine de celui qui pleure. Parce que tu dis, j'ai perdu mes parents, mon père est mort, ma mère est morte. Tu ne sais pas que tu as un père qui est le Dieu de gloire. Toutes les richesses lui appartiennent. Et si tu es héritier de Dieu, tu dois savoir que toutes les richesses de ton Père sont à toi. Est-ce que tu sais ça? Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta conception. Ne te considère plus comme un malheureux. La Bible, la parole de Dieu te dit, tu es héritier de Dieu. Vous voyez? Il est écrit ici, au verset 11. En lui, vous voyez, c'est toujours en Jésus. Lorsque tu n'es pas en Jésus, cela n'est pas valable. Il faut que tu sois en Jésus. Il faut que tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est en lui. On dit en lui, nous sommes devenus héritiers. Vous voyez, quand on dit nous sommes devenus, cela veut dire qu'avant, on n'était pas héritiers. Si quelqu'un t'a dit que depuis ta naissance, toi tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, il t'a menti. La Bible n'enseigne pas cela. Avant de connaître Christ, nous étions des esclaves. Est-ce que tu comprends? Nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous n'étions pas héritiers de Dieu. Vous voyez? Il faut que toi-même là, tu crois en Jésus. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. À ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Vous voyez? On n'est pas né. C'est pourquoi Paul dit ici, nous sommes devenus. On ne dit pas, nous sommes nés héritiers ou enfants de Dieu. Nous sommes devenus lorsque nous sommes en Christ. Nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. Un héritier, c'est celui qui jouit de tous les droits de son Père. Vous voyez? Tu es un héritier de Dieu. Tu hérites aussi bien les biens spirituels, les richesses spirituelles. Nous avons vu au début de cette épître que Dieu nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. mais non seulement les bénédictions spirituelles, mais même les bénédictions matérielles. La Bible nous dit par exemple que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu en as besoin, tu peux demander à Dieu. Tu dis, Père, donne-les-moi, voici mon besoin, voici mon problème, en tant que ton héritier, c'est ton droit. Est-ce que tu comprends cela? Pourquoi laissons-nous même les richesses de ce monde aux païens? Nous voulons montrer comme si ce sont les païens qui doivent être prospères. Non, il faut que nous changions d'identité, change ta manière de concevoir les choses. Tu es un héritier de Dieu, tu es une héritière de Dieu. Mais pourquoi nous sommes devenus héritiers d'abord? D'abord, c'est que nous devons comprendre que c'est une résolution de Dieu. Il dit au verset 11, « À lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. » Donc, on voit toujours ici la grâce et la souveraineté divine. Il a déjà décidé cela avant la fondation du monde. Il t'a prédestiné, mais cela ne devient effectif que lorsque toi-même tu décides d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il nous montre aussi le but pour lequel Dieu a fait de toi son héritier. Il dit au verset 12, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Cela veut dire que, en tant qu'héritier de Dieu, ta vie doit servir à la louange de sa gloire. Lorsque quelqu'un te regarde dans ta manière de te comporter, il doit commencer à louer le Seigneur. C'est-à-dire que ta vie doit le glorifier. Quand je mène une vie de compromission, une vie de péché, ma vie ne glorifie pas le Seigneur. Vous voyez, je parle à toi. Tu te dis, je suis enfant de Dieu, je suis chantre, je suis diacre, diaconesse. Mais au quartier là, ce que tu fais ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne donne pas envie même aux païens de dire, moi je vais venir à l'église, je vais me donner à Christ à cause de lui. À ce moment-là, ta vie ne sert pas à la louange de sa gloire. Notre vie sert à la louange de sa gloire lorsque par notre comportement, nous donnons envie aux autres d'aimer Jésus, de se convertir. Lorsque tu es dans un service, par exemple, où tout le monde est corrompu, on va dire, sauf lui, on ne te trouve pas là-dedans. Tous les directeurs prennent des maîtresses, leurs secrétaires deviennent les maîtresses. Mais pour toi, là, tu n'es pas nommé. On dit que lui, là, il n'est pas dans ces choses-là. Tu vois, à ce moment-là, ta vie sert à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que ta vie le glorifie. C'est pour cela que nous sommes devenus héritiers. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Deuxième vérité. La Bible nous révèle que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit fait partie des privilèges de ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez, le sceau. Le sceau, vous savez, dans l'ancien temps, le sceau était une marque d'authenticité. Même aujourd'hui encore, lorsqu'il y a un document, lorsqu'on veut vérifier l'authenticité, par exemple, d'une lettre, on veut vérifier si c'est cacheté, s'il y a le sceau. C'est pourquoi on appelle parfois les ministres de justice et gardes des sceaux. Parce que le sceau sert à identifier ou bien à authentifier un document. Dans les temps anciens, par exemple, les documents officiels étaient scellés de sceaux pour qu'on ne puisse pas les falsifier. Non seulement c'est une marque d'authenticité, mais ça montre aussi une marque de propriété. Lorsque tu acceptes Christ, tu as été scellé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a comme un sceau, un cachet que Dieu a posé sur toi par l'action du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est invisible, mais sur le plan spirituel, c'est visible. Tous ceux qui sont de ténèbres savent, le démon le savent, les sorciers le savent. Lorsqu'ils te regardent, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ils ont peur parce qu'ils voient une marque sur toi, le sceau du Saint-Esprit. Quelque chose qui dit, celui qui le touche, il me touche à moi. Regardez aujourd'hui, dans plusieurs grandes maisons, des villas, on a l'habitude de marquer quelque chose. On dit, cette propriété est gardée par telle compagnie de gardiennage. Il y a quelque chose de semblable sur ton visage. Oh, lorsque tu as cru en Jésus, tu es scellé du Saint-Esprit. Où Dieu dit, cette propriété, c'est-à-dire ce monsieur, cette dame est une propriété privée. Tu le touches, tu me touches parce qu'il y a un cachet. Vous dites, c'est un chrétien authentique, il m'appartient. Celui qui le touche, il me touche. Est-ce que tu comprends? Tu as été scellé du Saint-Esprit. Mais quand est-ce que ce sceau du Saint-Esprit t'a été donné ou a été apposé sur toi? On dit, c'est après avoir entendu l'évangile et après avoir cru. Vous voyez, il y a des préalables. Il est dit au verset 13, « En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous voyez, c'est pourquoi en tant qu'église, notre travail, notre devoir premier est de prêcher la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'aller dire à quelqu'un, nous avons une église la plus grande, nous avons la cathédrale la plus grande. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous prêchons la personne de Christ, mort et ressuscité, vous voyez. Quelqu'un est scellé du Saint-Esprit après avoir entendu l'évangile. C'est le préalable, premier pas. Deuxième pas, il faut croire. Il est dit au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Il faut croire. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous voyez? Et ce n'est qu'après, ce n'est qu'alors que le sceau du Saint-Esprit est apposé. Celui qui ne croit pas, après avoir entendu l'évangile, il ne va pas recevoir le sceau du Saint-Esprit. Vous voyez ce qui se passe? C'est une grâce. C'est pourquoi la réception du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit sont subordonnés à la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui reçoit le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais en réalité ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des démons. Il faut croire, il faut entendre la parole de la vérité, il faut croire. Et à ce moment-là, Dieu vous scelle du Saint-Esprit. Troisième vérité, ça nous montre l'importance de ce sceau encore pour la vie à venir. Pourquoi le sceau du Saint-Esprit? En quoi est-il nécessaire? On dit, c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 14. Quand on parle de gage, les gages c'est quoi? C'est un acompte. Regardez ce qui se passe. Lorsque tu vas dans un supermarché ou bien dans un magasin et qu'il y a une marchandise qui te plaît, tu n'as pas suffisamment d'argent, mais le vendeur va te dire, il faut donner la compte pour que je considère que la marchandise est déjà vendue. Vous voyez? Lorsque nous acceptons Christ, il nous donne le Saint-Esprit comme gage, à compte de notre héritage futur. Nous attendons le retour de Jésus. Lorsque Jésus reviendra, le sceau du Saint-Esprit sert à dire que celui-là, il sera enlevé. Tu ne vas pas manquer ce rendez-vous. Parce que quand nous parlons de la rédemption, de ce que Dieu s'est acquis, il s'agit de la rédemption future. Vous voyez, il y a la rédemption présente, c'est-à-dire lorsque nous acceptons Jésus, nous avons été rachetés, délivrés de la puissance des ténèbres, mais il y a une rédemption future, c'est la rédemption de notre corps. Quand Jésus reviendra, nous allons revêtir de nouveaux corps, nous serons transformés et nous irons à sa rencontre. Alors, pour que tu sois garanti que ce rendez-vous sera effectif pour toi, le Seigneur te donne le sceau du Saint-Esprit comme un gage, comme un acompte, comme une garantie que tu seras à ce rendez-vous. N'est-ce pas merveilleux? Je voudrais que nous puissions louer ce Dieu en chantant ce cantique. Nous te proclamons roi. homme au milieu de nous. Nous t'élévons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir du roi. Gloire à Dieu, il est digne de louange, lui qui nous a scellés de son esprit. Bénissons son saint nom, il est digne de louange. Te bénissons, ô éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, toi qui nous as sauvés en Jésus, afin que nous servions à la louange de ta gloire. Nous bénissons ton nom, ô notre Père, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous as scellés du Saint-Esprit. Que l'honneur te revienne pour la parole de la vérité que tu nous as transmise. Oh, nous t'élévons, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous éclaire et qui nous libère. Merci pour le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage et de notre rédemption. Nous t'élévons, nous te glorifions, nous te magnifions pour le Saint-Esprit de vie, le Saint-Esprit de force, le Saint-Esprit de victoire, le Saint-Esprit qui nous libère et qui nous remplit jour après jour, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire. Sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, pour l'esprit des victoires que tu déverses jour après jour dans nos vies. Conduis-nous, ô Père, à cause de ton nom conduis-nous à cause de ta grâce. Oh, que seul ton nom soit élevé jour après jour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Le texte du jour, c'est Éphésiens chapitre 1, 11 à 14, que vous pouvez réécouter sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir notre identité en Christ. Nous sommes devenus héritiers de Dieu en Christ, suivant la résolution de sa volonté. Et le but pour lequel nous sommes devenus héritiers, c'est pour que nous servions à la louange de sa gloire. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton héritier. Tu vas lui présenter tes besoins. Mais tu vas dire surtout, Seigneur, aide-moi à vivre à la louange de ta gloire. Que ma vie puisse te glorifier au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Très excellent Père, ce matin je te rends grâce, je te glorifie et je te bénis pour tous tes bienfaits. Lorsque j'étais encore pécheur, ton Fils Jésus-Christ est mort pour moi. Je me suis couché hier au Père éternel, je me suis endormi et je me suis réveillé ce matin. Non pas par mes propres forces, mais par ta grâce, par ton amour. C'est pourquoi ce matin, j'élève la voix pour exprimer ma reconnaissance pour tout ce que tu fais dans ma vie. La reconnaissance parce que c'est grâce à ton Fils Jésus-Christ et c'est grâce à ton amour pour moi que je suis une nouvelle créature. Merci Père éternel. Et je demande Père ce matin de m'aider à vivre à la louange de ta gloire. Je demande au Père éternel que ma vie puisse te glorifier. Je prie contre tout obstacle à mon épanouissement spirituel. Je prie contre tout sabotage de l'ennemi, tout projet satanique tendant à atténuer le témoignage que tu as mis dans ma vie. Je prie au Père éternel, je demande que ma vie, comme la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui m'écoute en ce moment et qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, puisse refléter ta louange, puisse refléter ton image, puisse être un bon témoignage. Équipe-moi, ô Père éternel, fortifie-moi, ô Père éternel, et que ta grâce et ta faveur m'accompagnent dans tout ce que j'entreprends. Renouvelle mes forces, renouvelle mon zèle, renouvelle mon énergie. Je dis merci, Père éternel, pour toutes choses, et c'est à la gloire de l'éternel que j'adresse à toi ces prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous avons été scellés du Saint-Esprit après avoir entendu l'Évangile et après avoir cru. Et que ce Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. Tu vas dire merci au Seigneur pour le sceau du Saint-Esprit. Mais tu vas en même temps prier pour que Dieu t'aide à te préparer à sa rencontre. Oui, enfin que ce jour-là, lorsque Christ reviendra, il te trouve disposé à aller à sa rencontre. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la Merci notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit, qui va vous convaincre de tout péché. Ce matin, nous te remercions parce qu'il est en nous. Il est avec nous. Il est sur nous. Il nous recouvre de la puissance de feu. Gloire te soit rendue à jamais. Et nous voulons prier le Saint-Esprit ce matin afin qu'il nous scelle pour toujours au nom de Jésus-Christ. Et nous prions également au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous scelle, que le Saint-Esprit nous donne la force à fuir la mauvaise manière de vivre et à nous préparer à la rencontre du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous voici, c'est difficile. Nous voici, nous sommes entourés par les désirs de la chair. Nous, le monde nous attire. La chair nous attire, le moi nous attire. Et l'orgueil de la vie nous attire. Nous prions ce matin de faire de nous des hommes forts, des hommes qui comptent sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur la parole de Dieu, étant plongé dans le sang de l'agneau. Sois béni parce que tu nous accompagnes. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir, notre devoir en tant que chrétien, en tant qu'église, c'est d'annoncer l'évangile. Pour que les gens soient scellés du Saint-Esprit, il faut qu'ils entendent l'évangile. Et il faut qu'ils croient. Et pour qu'ils entendent l'évangile, il faut que nous puissions prêcher l'évangile. Tu vas prier pour toi-même, pour dire, Seigneur, aide-moi aussi à annoncer l'évangile à quelqu'un. Pendant cette semaine, aide l'église à prendre au sérieux l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de la mission, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Grand Dieu, ce matin, nous te bénissons et nous te psalmodions au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que il t'a plu que quelqu'un un jour nous annonce ta parole et nous avons été sauvés. Et aujourd'hui, nous marchons par la foi, nous vivons par la foi et tu nous as appelés à ton service. Je voudrais te dire infiniment merci pour la force, l'onction que tu nous donnes de demeurer en toi. Et la Bible dit aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations les disciples. Père, ce matin, je voudrais te prier pour quiconque qui est appelé de ton nom. Que cette personne aussi soit un canal là pour appeler une multitude à la conversion. Père, nous prions que ton esprit en nous puissions être des évangélisateurs, des hommes qui parlent de toi en tout temps et en tout lieu, dans les circonstances favorables ou pas. Saint-Esprit de Dieu, que la honte soit brisée, que le mépris des hommes soit brisé. Esprit du Dieu vivant, merci d'utiliser notre canal pour annoncer ta parole, que tu es Seigneur, que tu es Dieu, à tout homme, à nos parents, à nos frères, à nos collègues, dans le lieu où nous nous retrouvons, que notre témoignage aussi parle. Merci de susciter dans les églises des programmes d'évangélisation. Merci de susciter des missionnaires pour aller dans les lieux les plus reculés, pour annoncer ta parole. Merci Saint-Esprit pour tous ceux qui ne peuvent pas partir, qu'ils mettent de leur argent, de leur bien pour accompagner les autres. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Adoration.